Ne sais-tu pas qu'à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre ? Il châtie qui il veut et pardonne à qui il veut. Et Allah est omnipotent.